l'Académie de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le programme de Ciné Magazine, en ce début de l'année 1975, un hommage rendu à un comédien qui venait de disparaître. Comédien follement exigeant, manifestant beaucoup d'humour et de gaieté dans le travail. L'occasion de savourer quelques extraits de célèbres films français, puis retour à l'actualité. Le cinéma français bouge-t-il ? Sans doute, puisque 15 ans après le début de la nouvelle vague, surgissent de nouveaux et prometteurs metteurs en scène. Jean Eustache, Jacques Doyon, Philippe Garrel. Tel était le menu de Ciné Magazine que présentait Philippe Hainaut le 18 janvier 1975. Pierre Fresnay, Désinformation, le jeune cinéma français. Tu vas pas encore te coucher ? Et pourquoi me dis-tu ça ? Parce que si tu dors jamais, tu finiras par te ruiner la santé. Hein? Ah, merci Marius, tes embrasses, fils, là, je vais y aller. Quelle heure il est ? Oh, 11h, tu sais, tu peux fermer maintenant, hein ? Il n'y aura plus beaucoup de clients, tu travailleras guère. Et ton bénéfice serait pour la compagnie d'électricité. Je vais fermer, alors. Où as-tu été ce soir ? Bon, je suis allé faire une petite partie de billard à la brasserie suisse. À la brasserie suisse ? Et alors ? Avec qui ? Avec des amis. Je suis persuadé que c'est pas vrai que tu as été... Dieu sait où, mais ça n'a pas d'importance, va. J'ai des choses plus sérieuses à te dire. Quelles choses ? Voilà. Un jour ou l'autre, il va falloir que tu te maries, toi. Moi ? Pourquoi ? Ben parce que c'est naturel, c'est normal. Dans un commerce, c'est nécessaire. Tu es décidé à ne jamais prendre de femme. J'y ai pas encore pensé. Ah, ben ça serait peut-être le moment d'y penser. Pourquoi ? Parce qu'il y a... Il y a Panis qui a demandé Fanny, là. Oh, je le sais. Mais je vois pas bien le rapport. Oh, alors surtout, Marius, ne me prends pas pour un imbécile, hein. Mais je ne te prends pas pour... Je te dis, surtout, ne me prends pas pour un imbécile. Je sais très bien que tu es amoureux de Fanny, hein. Qui c'est qui t'a dit ça? Et c'est mon petit doigt, hein. Eh bien, il est pas malin, ton petit doigt. Oh, que si qu'il est malin. Oh, que si qu'il est malin. Tu es amoureux de Fanny. Et la preuve, c'est que hier, tu t'es jeté sur Panis comme une bête fave. Et que si on vous avait pas séparé, tu l'étranglais. Il serait mort. Nous sommes simplement disputés à propos de... De quoi? À propos de je sais pas quoi. Oh, mais moi, je le sais. C'est à propos de Fanny. Tu voulais supprimer un rival. Voilà tout. À London. Il n'y a pas de London. Tu comprends pas, bourreau d'imbécile, que tu as une autre façon de le supprimer, ce rival. C'est en demandant la main de Fanny. Tu crois que là, c'est terrible? Oh, ben, je comprends. Tu en as parlé à sa mère? Comment? Je te demande si tu en as parlé à sa mère. À sa mère? Qu'est-ce que c'est, sa mère? Sa mère, ah, non, je n'en ai pas parlé. Oh, tu sais très bien que je parle jamais, moi, non, non. Seulement, je crois qu'elle dirait oui. Peut-être, mais moi, j'y tiens pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me marier. Ah, ouais. Je sais pas si je l'aime assez pour ça. Ouais, eh ben, Marius, tu es un menteur. Moi? Oui. Oui, tu es un menteur. Moi, je suis un menteur. Oui, oui, tu mens. Je te dis que tu mens. Tu es amoureux de Fanny. Et tu es fou de rage de voir que l'autre va te la prendre. Et tu refuses de l'épouser? Marius, tu deviens insupportable, tu sais? Écoute, Marius, si tu es fou, dis-le franchement. Je t'envoie à l'asile et on n'en parle plus. Mais si tu n'es pas fou et que tu es confié à ton père, dis-moi la vérité. Il y a une femme là-dessous. Allez, parle. Allez, Zou, parle! Eh bien oui, là. Alors, il y a une femme? Oui, je te dis. Ah, nous y voilà. Oh, je le savais bien, tu penses. Qui est-ce? Ça me gêne de parler de ces choses. Et moi aussi, ça me gêne horriblement. Mais ça me gêne encore plus de te voir idiot. Et je voudrais au moins savoir pourquoi. Tu peux pas l'aimer, cette femme, puisque tu aimes Fanny. J'ai peut-être pitié d'elle. Et c'est la pitié qui te rend idiot. Écoute, Marius, je te fous une bouffe. Et là, puisque tu y tiens, je vais tout te dire. Ouais. C'est une femme que j'ai aimée. Ouais. Qui m'aime beaucoup. Ouais. Et alors, si je lui dis que je me marie, elle souffrira. Elle se suicidera, peut-être. Ah, pas de blague, hein. Et il faut me laisser un peu de temps pour la préparer à cette idée, mais tu vois, ensemble, c'est très simple. Oui. Oh, c'est simple. Bon, eh bien, ça va bien. N'en parlons plus. Je te demande pas de me dire son nom, tu me le dirais pas, alors. Hum? Mais dis-moi que c'est pas Madame Escartefigue. Non, ce n'est pas elle. Marius, c'est pas Madame Escartefigue. Non. Non, mais tu en es sûr, au moins. Et alors? Ouais. Parce que Monsieur Escartefigue, c'est un ami, hein. C'est même un client. Alors ne t'amuse pas avec les femmes des clients. Bon. Et ça va bien n'en pas non plus. Alors, et Fanny, là, qu'est-ce que nous en faisons de Fanny? Attendons. Et attendons, donne-moi la caisse. Et si elle a cette panisse? Mais elle a cette rapace. Elle a cette rapace, si elle a cette. Et si elle a cette, alors ma foi, tant pis. Oh, commence pas encore à dire des bêtises, hein, pas tant pis. Il faudra reparler demain matin. Demain matin? Oui, demain matin. Moi, je sens que je vais y réfléchir toute la nuit. Tu bailles beaucoup pour un homme qui va réfléchir. Allez, bonsoir, petit. Bonsoir, hein. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime bien, tu sais. Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime bien. Moi aussi, pourquoi me dis-tu ça? Je sais pas. Je vois que tu t'occupes de moi, que tu te fais du souci à cause de moi, hein. Alors, ça me fait penser que je t'aime bien. Mais bien sûr. Imbécile, va. Bonsoir, hein. Bonsoir, mon fils. Pierre Jules Louis Laudenbach était né le 4 avril 1897 à Paris, dans le 5e arrondissement, rue Vauquelin. D'où son pseudonyme Vauquelin de la Fresnaye. Il passe son enfance au Quartier Latin dans un milieu bourgeois où l'on cultive les traditions. Sa famille, de souche alsacienne et de conviction protestante, compte plusieurs universitaires. Tranchant avec cette austérité, son oncle, Claude Garry, qui est comédien, encourage sa vocation précoce. Et Pierre monte sur les planches dès l'âge de 14 ans. Admis au Conservatoire de Paris au début de la Grande Guerre, il est l'élève de Paul Mounet et Georges Bert. On l'engage dès 1915 à la Comédie-Française où la mobilisation a creusé les rangs. Le voici donc à l'âge de 18 ans, commençant à jouer le répertoire des jeunes premiers. Molière, Marivaux, Musset. Il débute au cinéma la même année, 1915, dans une bande patriotique intitulée « France d'abord ». Mobilisé comme sous-lieutenant dans l'aviation, le futur Boieldieu se marie en 1917 avec l'actrice Rachel Berendt et divorce en 1919. Il se remariera avec Berthe Bovy en 1923 et divorcera à nouveau en 1927. Sa fermeté de caractère lui vaudra, vers la même époque, un procès avec la Comédie-Française qu'il a quitté sans rémission. Il avait tourné depuis 1921 quelques films sans grand intérêt lorsque Le Parlant lui donna sa véritable chance. Dans la trilogie de Pagnol, il compose, silhouette, geste, voix, un Marius plausible au milieu d'authentiques méridionaux et face au redoutable Rému. Bonjour, hein. Ah, tu te réveilles, toi, enfin. Quelle heure il est, papa? Et il est 9h passé. Oh, coquin de sort, 9h passé. J'ai lu un peu tard hier dans mon lit, et quand je me suis endormi, le jour, il se levait. Je t'ai dit plus de 20 fois, tu as tort de lire comme ça dans ton lit. Ça te fait pas du bien de lire, tu sais. Ah, t'as pas bonne mine. T'as les yeux fatigués, là, les yeux battus, tu es pâle. Tu trouves, hein? Ah, tu dois lire un livre qui te fatigue, toi, hein. J'ai voulu le réveiller, seulement tu as fermé la porte à clé. Oui, je viens de me l'apercevoir. J'avais dû tourner la clé machinalement. Là. Voilà, machinalement, oui. Tiens, prends le café. Les croissants sont chauds, on va déjeuner. Machinalement, il n'est pas bête. Je ne sais pas s'il tire de sa mère ou de moi, mais il n'est pas bête, non. Oh, mais dis, on dirait que tu perds ton pantalon. Et j'ai peut-être maigri. Ah, tu lis trop. Si tu continues à lire comme ça, tu vas devenir maigre comme un stockfish. Hein. Allez, assieds-toi. Mais dis donc, tu as bon appétit, hein? Ça va pas mal. Ouais. La lecture t'a creusé, hein? Un sacré maïs. Pourquoi tu me dis ça? Pour rien. À une époque où les monstres sacrés et les grands comédiens prolifèrent, Freinet va s'imposer comme l'un des meilleurs par une présence intérieure, un sens de la nuance dans le tracé des situations et de l'analyse des textes par sa célèbre diction nasale. Il veille aussi à échapper à l'uniformité d'une technique par la diversité des rôles qui vont se multipliant avec les succès. La chance du comédien est alors de trouver des grands rôles dans de grands films. Freinet aura l'occasion de travailler tantôt avec des cinéastes d'envergure et tantôt avec des maîtres artisans au métier rassurant. Il est l'interprète d'Alfred Hitchcock dans la première version de « L'homme qui en savait trop » en 1934, d'Abel Gance pour « La dame aux camélias » et le roman d'un jeune homme pauvre, de Maurice Tourneur dans « Kenismark », de Marc Allégret dans « Sous les yeux d'Occident ». Puis il y eut « La grande illusion » en 1937. Dans le rôle du capitaine de Boieldieu, Freinet, sous la direction d'un Jean Renoir au meilleur de sa forme, sut faire passer, comme Stroheim, Gabin, Dalliot, Carrette et les autres, la richesse d'un authentique personnage émergeant de la personnalité la plus profonde du comédien, à tel point que l'image même du Pierre Freinet quotidien s'en trouvera marquée. On le dira élégant et racé, discret et distant, intelligent mais réfugié dans les marges du temps. Quand voulez-vous partir ? Pourquoi nous ? Vous en êtes, mon vieux ? Non, Maréchal. Quoi, vous n'avez pas confiance ? C'est pas ça qui m'empêcherait de partir, vous le pensez bien. Eh ben alors ? Une tentative comme la vôtre ne peut réussir qu'à deux. Pas plus. Et je connais vos préférences. C'est pas juste. Qu'est-ce qui est juste dans une guerre? Ah, non, mon vieux, on ne peut pas accepter ça, voyons quoi. C'est pas un conseil que je demande. C'est une décision que je prends. Les arts d'agrément ne sont pas interdits dans la forteresse. Vous aimez la musique? Bon, comme si, comme ça, une bonne valse, oui. Moi, j'adore la flûte. Alors, voilà notre programme. Nous allons acheter des flûtes pour tout le camp. Au jour convenu, concert général dans toutes les chambres à 5 heures. 5 heures, c'est là où la nuit tombe. Naturellement, 5 minutes après, confiscation des flûtes par nos gardiens. À 5h15, nouveau concert avec tous les moyens dont nous disposons. Casseroles, cris d'animaux, grincement de dents, enfin tout ce que vous voulez. Résultat certain, appel général dans la cour. Et ensuite? Ensuite? Ensuite, ça m'en garde. Vous aurez 5 minutes pour franchir les remparts et pour gagner les bois. Écoutez, Boieldieu, je ne sais pas comment vous expliquer, mais enfin, je suis terriblement gêné. Alors. Si, terriblement gêné. Boieldieu, je voudrais vous dire quelque chose. Versez-moi donc un peu d'eau tiède pour rincer mes gants. Mm-hmm. Écoutez, quoi qu'il arrive, je voudrais tout de même que vous sachiez que... Mais je ne fais rien pour vous personnellement. Ça nous dispense de nous attendrir. À partir de ce moment glorieux, Freinet mène une double carrière et, si l'on peut dire, une double vie. Depuis sa rencontre avec Yvonne Printemps en 1931 à l'occasion du Franz Hals de Sacha Guitry, il songe avant tout à préserver l'intimité de leur bonheur orageux. Mais, comme la comédienne mettra fin prématurément à sa brillante carrière, les époux Laudenbach s'associeront avec Victor Boucher pour gérer une bonbonnière du théâtre de boulevard, la Michaudière, où l'on jouera de préférence Bourdet, Achard et plus tard Roussin. Le cinéma lui offre quelques beaux rôles avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Le Puritain de Jeff Musso, Chéri Bibi de Léon Matteau et le rôle du maréchal de Saxe dans le film de Marcel Lherbier, Adrienne le couvreur. Mais le parfum de ces années se retrouve mieux dans Les Trois Valses de Ludwig Berger qui connut un énorme succès de public en 1938. Aux côtés d'Yvonne Printemps, Freinet interprétait le rôle d'Offenbach. Vous avez l'air étonné. Non, je suis heureux. Je vous vois tout à coup si différent. Au fond, vous êtes très gentil. Chut, faut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'on vous pardonne quelquefois d'avoir réussi, mais jamais d'avoir l'air heureux. Vous donnez rudement bien le change. Ben, je suis comédienne. Que voulez-vous, c'est obligé. Par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré soi, pour s'imposer, il faut savoir se proposer une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi, sérieuse, je dois jouer à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que j'en fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Clouzot, Freinet. Une amitié féconde a lié dès avant la guerre le célèbre comédien et le débutant Henri-Georges Clouzot qui passait de la peinture au théâtre et du théâtre au cinéma. On a sans doute oublié qu'en 1943, Clouzot fit jouer à la Michaudière une pièce intitulée « Comédie en trois actes ». Les deux hommes avaient écrit ensemble pour le cinéma l'adaptation et les dialogues d'une pièce d'Henri Lavedan, « Le duel », qu'interpréta Freinet avec un grand succès en 1938. Puis Clouzot rédigea le dialogue du dernier des six, réalisé en 1941 par Georges Lacombe, d'après le roman policier de Stiman. Pierre Freinet manifestait dans le rôle de l'inspecteur Vence un humour et une vivacité inattendus qu'on retrouvera avec plaisir dans le premier film tourné par Clouzot lui-même, « L'assassin habite au 21 », la même année d'après le même auteur. Freinet y avait une réplique à répétition qui nous mit longtemps en joie. Il ponctuait les événements les plus surprenants de la bizarre pension de famille où il enquêtait par un imperturbable « c'est bien normal » d'un savoureux effet. Puis Freinet fut le docteur Germain du Corbeau en 1943. Sans doute l'un de ses meilleurs rôles, un des plus forts, un des plus originaux aussi. Ainsi, c'est vous. La détraquée qui nous empoisonne depuis des mois, c'est vous. Non, c'est pas moi. Je vais avoir un enfant de cette demi-folle. Non. Je veux pas d'un fils taré. Le corbeau a raison. Et je vous promets que celui-là n'est pas prêt de voir le jour. Autre grand succès de l'occupation, La main du diable de Maurice Tourneur et Le voyageur sans bagage, filmé par son auteur Jean Anouilh. Pierre Freinet atteignit l'apogée de sa carrière en 1947 en interprétant le rôle de Vincent de Paul dans Le Monsieur Vincent de Maurice Cloche. Il s'identifia si bien avec ce petit homme brûlé par sa foi mais seul et démuni qu'on pourrait pour une fois dire un film de Pierre Freinet. Approche. Jeanne, j'ai voulu te voir. Je sais que tu es courageuse et bonne. Tu vas au pauvre demain pour la première fois. Oui, monsieur. Je n'ai pas pu toujours parler à toutes les filles qui allaient au pauvre pour la première fois. On ne fait pas tout ce qu'on devrait. Mais... à toi, la plus petite, la dernière, il faut que je parle. C'est important. Souviens-toi bien. Souviens-toi bien, toujours. Oui, monsieur. Tu verras bientôt que la charité est lourde à porter. Plus lourde que le broc de soupe et le panier plein. Mais tu garderas ta douceur et ton sourire. Ce n'est pas tout de donner le bouillon et le bain, cela. Les riches peuvent le faire. Tu es la petite servante des pauvres, la fille de la charité, toujours souriante et de bonne humeur. Ils sont des maîtres terriblement susceptibles et exigeants, tu verras. Alors, plus ils seront laids et sales, plus ils seront injustes et grossiers, plus tu devras leur donner de ton amour. Ce n'est que pour ton amour seul, que les pauvres te pardonneront le pain que tu leur donnes. L'interprétation de ce saint catholique par un protestant non pratiquant suscita d'ailleurs de nombreux commentaires sur la grâce. Où finit celle du comédien, se demandait-on. Les commentaires furent encore nombreux à la sortie de « Dieu a besoin des hommes » réalisé par Jean Delannoy, car l'inspiration protestante se faisait sentir dans ce film sur la foi et la prêtrise. Delannoy, lui-même de formation huguenote, songea à réaliser un Luther interprété par Freinet, mais qui ne vit pas le jour. Dès lors, Freinet se tourna vers des personnages, réels ou mythiques, ayant en commun une conviction têtue et la certitude de leur propre valeur payée de solitude. Citons un grand patron, Monsieur Fabre, il est minuit, Docteur Schweitzer, les évadés, les aristocrates et même le défroqué. Sa carrière cinématographique s'interrompit brusquement en 1960, au plein succès de la Nouvelle Vague. La millième fenêtre du jeune Robert Ménégoz fut un échec commercial et l'apparition de Pierre Freinet aux côtés de Gabin et de Noël Noël dans Les Vieux de la Vieille fait figure de mélancolique adieu. En souffrit-il ? Nul n'en parla. Freinet, qui bouda la télévision, se replia sur la Michaudière, bastion du théâtre privé, où il continua de servir un répertoire contesté par la jeune génération. Mais il sut terminer en beauté par ses mémorables interprétations du neveu de Rameau et de textes de Paul Valéry. Symboliquement, le dernier rôle enregistré par lui pour l'antenne de France Culture fut celui de Socrate dans Eupalinos, bloc de cristal taillé par le poète de l'intelligence. Apparemment, Robert Ménégoz tout vous opposait à Freinet. Comment se fait-il que vous l'ayez choisi comme interprète de La millième fenêtre et quels ont été vos rapports hors tournage? Effectivement, Freinet était le premier à penser que des choses devaient nous opposer. D'abord, je n'ai pas choisi Freinet. Et mes premiers contacts avec lui ont été extrêmement amusants parce qu'on se faisait chacun une idée totalement fausse l'un de l'autre, bien entendu. Et contrairement, disons, à la légende du personnage hautain, froid, un peu distant, un peu seigneurial, et c'était le bonhomme, le mot est trop familier, mais enfin, c'était le personnage le plus curieux, le plus affable, le plus humble que l'on puisse imaginer, dans la certitude de sa valeur, dans la certitude de ses certitudes. Bon, mais il avait l'humilité réelle de Monsieur Vincent. Est-ce qu'il avait de l'humour? Beaucoup plus qu'aussi qu'on ne l'a dit. Il avait dans l'œil une ironie, une relativité sur les choses et sur le monde. Une espèce de sagesse, de distance, c'était plus de la relativité. Une relativité qui n'allait jamais jusqu'à la tolérance. C'était un bonhomme exigeant, follement exigeant, et vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Mais il avait beaucoup d'humour, beaucoup de gaieté dans le travail. On l'a fait travailler dans des conditions extrêmement inconfortables, en plein hiver, par moins 20 dehors, avec toutes les méthodes du nouveau cinéma, dans la rue, dans la boue. Il a pris ça, mais avec un dévouement, une conscience, une bonne volonté, que je souhaiterais voir pratiquer par bien, je ne dirais pas des jeunes comédiens, mais bien des jeunes comédiennes. Et l'aventure l'excitait. Mais bien entendu, tout ce qui représentait un renouvellement de lui-même, un effort sur lui-même, Ça l'intéressait. On a tout de même idée qu'il vivait un peu replié sur ses propres valeurs. Est-ce que vous avez mis en cause quelquefois dans des discussions ses idées sur le monde ? Mais écoutez, un jour, je me souviens, il m'a dit « Moi qui fais figure d'un défenseur du trône et de l'autel. Bon, » C'est beau, hein ? Bon. Et le pensait-il ? L'était-il ? Il y avait déjà là tout son humour. Bon, il faisait figure, il n'en était pas mécontent. Il ne le prenait pas entièrement à son compte non plus. Enfin, bon, et c'est un homme qui avait une notion aiguë des valeurs solides, acquises, et une très grande curiosité pour la nouveauté. Plus traditionnel que conservateur. Ah, c'est pas un conservateur. Hein. Je vous demande pardon, j'en parle au présent, parce que j'ai horreur du style nécrologique. Et pour moi, c'est un monsieur qui a eu une immense influence sur ma vie. Ouais. Je crois d'ailleurs que personne n'a pu travailler avec Freinet sans en recueillir quelque chose. Hein. Et c'était un monsieur qui enrichissait ceux qui avaient la chance de l'approcher. Ce qui était assez difficile d'ailleurs parce que il n'avait que très peu de vie publique. Enfin, il sauvegardait au maximum sa vie privée. C'est un fidèle. Il m'avait souvent parlé de sa vie avec Yvonne Printemps. Et il avait une façon de concevoir la fidélité comme un bonheur. Et quelquefois, ça n'était pas toujours tout simple. Il tenait beaucoup à ne pas lui donner d'inquiétude, à être toujours ponctuel. Les hasards du cinéma, les heures supplémentaires faisaient quelquefois des problèmes. Il travaillait beaucoup. Il travaillait beaucoup. Il fallait toujours qu'il ait un téléphone près de lui. C'était sa seule exigence. On pouvait le laisser dans le froid, le laisser sans manger, le faire travailler des heures. Mais du moment qu'il avait un téléphone pour pouvoir appeler Madame Printemps s'il y avait quelques modifications du programme ou de l'horaire. Et je me souviens qu'une fois, on n'avait pas pu téléphoner, je crois qu'on tournait dans la rue. Et il est arrivé le lendemain avec une grande marque au front. Et il me dit, est-ce que ça pourra arranger ça au maquillage ? J'ai dit, parce que je suis rentré en retard hier soir et j'ai reçu un flacon de parfum d'excellente qualité sur la tête. Elle est si mutine. Il y a une curieuse dialectique dans son cas, il me semble, entre l'être humain et son personnage. C'est-à-dire que les personnages qu'a créé Freinet progressivement à partir du Boieldieu, de la Grande Illusion, étaient quand même taillés sur lui. Et progressivement, les personnages qu'il a composés à l'écran l'ont figé même dans le personnage qu'il était dans la vie. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette réciprocité ? Bien sûr, je crois que c'est dans le destin de tout acteur. D'abord parce qu'un metteur en scène aussi génial que Renoir a sorti pour fabriquer son Boieldieu, disons l'essence même de Pierre Freinet. Mais donc il a pris une part de Pierre Freinet et probablement il est resté dans Pierre Freinet une part de Boieldieu après. Mais il était piégé là, non ? Il a été un peu piégé d'ailleurs, il en était très conscient. Il en était très conscient et ça le dérangeait énormément, ce sentiment tout d'un coup de rétrécissement. Car il faut bien le dire, il s'agissait d'une réduction de l'éventail des possibilités d'un acteur. Si vous voulez. Mais c'était admirable de voir cet homme qui n'était plus jeune avoir un tel souci et une telle capacité intellectuelle et affective de renouvellement. Et j'ai vu avec lui de nombreuses conversations extrêmement précises, minutieuses, de façon à ce que ce personnage puisse avoir une existence, une épaisseur à laquelle Freinet puisse s'intégrer. Et je me souviens lui avoir très franchement dit dès le début, « Monsieur, il y a une chose qui me fait peur avec vous, c'est que vous me fassiez du Freinet. » Qu'a-t-il répondu ? Il a éclaté de rire et il m'a dit « Mais je ne demande qu'à me renouveler. » Il y a une légende aussi qui court sur lui, c'est que comme Jouvet et comme certains grands acteurs et metteurs en scène de théâtre de sa génération, il aurait eu une certaine condescendance pour le cinéma, cette mécanique foraine. Ah oh non. Non. J'en ai pas eu l'impression. En plus, il n'est pas possible qu'un homme comme Freinet, ayant travaillé avec un homme comme Clouzot ou un homme comme Renoir, ait pu considérer le cinéma comme un art forain. Un exercice forain. Et je n'ai jamais eu, ni de près ni de loin, cette impression. Il savait, et c'était son grand mérite d'acteur de cinéma, il savait qu'au cinéma, on ne servait pas un texte comme on sert un texte au théâtre. Comme c'était un homme de grande culture, qui revivait profondément ce qu'il disait quand il a servi des grands textes. Le dialogue de cinéma, par définition, c'est le bon dialogue de cinéma, il ne doit pas être littéraire. Hein. Alors, c'est là, si vous voulez, qui est pour moi la divergence. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que son jeu a évolué et qu'il s'adaptait au personnage, au tempérament du réalisateur et au rythme du film, à sa couleur? Ah oui, oui, oui. Il ne changeait pas sa technique, car il avait cette machine admirablement rodée du grand acteur de métier tel qu'on le concevait, Bourdet, il citait très volontiers Bourdet. Il avait une méthode extrêmement précise. Par exemple, il détestait qu'on lui donne des textes refaits le matin même, au moment du tournage. Hein. Il n'improvisait pas. Alors mais, justement, est-ce que là n'est pas le problème tout. Est-ce qu'il n'arrivait pas aux limites d'une perfection datée, c'est-à-dire l'impossibilité d'improviser et de jouer sur le hasard comme on le fait volontiers aujourd'hui. Et c'est ce que nous, on essayait de faire, évidemment. Ouais. Bon, et là, il y a eu des passes et des échanges extrêmement intéressantes. Par exemple, ce qui, évidemment, dans l'improvisation, il vient des tonalités, des sonorités de voix, des bonheurs qui sont inconcevables. Mais il le travaillait chez lui, toujours à condition d'avoir le texte d'avance. Au crayon, paraît-il, la nuit dans son bureau. La nuit dans son bureau. Il préparait sa scène du lendemain. Et il arrivait avec sa scène prête. Pour un réalisateur, pour un metteur en scène, c'était un instrument de musique. Un instrument de musique qui serait accordé lui-même la veille au soir. D'où on pouvait tirer la plus grande variété de sons. On tirait des sons de lui, dans les limites de ce qui avait été convenu. Il n'était pas enfermé dans son travail, c'est ça que je veux dire, n'est-ce pas ? Il n'était pas prisonnier de son travail la nuit avec son crayon et devant sa glace parfois, m'a-t-il dit, quelquefois il essayait des choses dans la glace. Il n'en était pas prisonnier. C'est pour ça que c'est très tellement difficile d'opposer des écoles. D'opposer la méthode à l'improvisé, à la recherche de l'instant rare et imprévisible avec le travail. Et je pense que M. Freinet arrivait à combiner les deux. Par l'observation de l'instant, le travail de réflexion sur cet instant observé, et ensuite l'éventail de possibilités qu'il offrait pour l'interpréter. Mais c'est ça le but du comédien de composition, c'est de faire croire qu'il est le personnage qu'il essaye de représenter. Et c'est rarement vrai. Je crois que le public a une grande complaisance à l'égard des acteurs de composition. Il fait lui-même la substitution, mais la ressemblance n'est pas absolument rigoureuse. Je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est pas possible que des tempéraments se superposent. Et puis, les choses, vous savez, on n'explique absolument pas comment un personnage s'installe en vous. Car c'est ma vieille théorie, on a tort de dire entrer dans la peau d'un personnage. C'est le personnage qui entre dans la vôtre s'il veut bien, si elle lui plaît. La revue des films français. Le cinéma français bouge-t-il ? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui, car depuis 3 ans, nous avons pu voir des dizaines de films français, des longs-métrages de fiction, réalisés par des cinéastes débutants, jeunes, nouveaux, comme on le voudra. Et il y a 15 ans, un tel contingent s'appelait La Nouvelle Vague. Qu'est devenue d'ailleurs cette Nouvelle Vague 15 ans après ? C'est ce que nous verrons avec des films comme Le Mariage de Claude Lelouch ou Une partie de plaisir de Claude Chabrol. Et nous pourrons parler peut-être de Mes petites amoureuses de Jean Eustache, du Voyage d'Amélie de Daniel Duval, des Doigts dans la tête de Jacques Doyon, Sérieux comme le plaisir de Robert Benayoun ou Les Hautes solitudes de Philippe Garrel. La liste n'est pas limitative. Pour discuter de cette situation du cinéma français à la lumière des films récents, nous aurons pour invité Jean-Loup Passec, Cinéma 75. Guy Tesser, L'Aurore. Marcel Martin, Écran 75. Qui veut commencer? Marcel Martin? Oui, volontiers. Pour mettre un peu d'ordre dans la discussion, on pourrait peut-être commencer par les anciens combattants de la nouvelle vague, si j'ose dire, c'est-à-dire Lelouch et Chabrol. Alors je crois, si j'en juge par des réflexions, qu'il n'y aura pas de défenseur de Lelouch à cette table, ni peut-être de défenseur de Chabrol, du dernier Chabrol du moins. Je ne sais pas, Lelouch, je crois que ça commence à poser un problème, parce que il a toujours un succès public, or ses films, de toute évidence, d'un point de vue critique, sont de plus en plus lamentables. Moi, je trouve le dernier... Vous le trouvez pire que Toute une vie? C'est peut-être pas pire, parce que Toute une vie, dans la prétention, je pense que ça a atteigné un Himalaya de sottise et d'infantilisme. Le drame avec Lelouch, c'est qu'il est sincère, de toute évidence, et que donc c'est difficile d'être méchant avec lui. Le mariage, alors je crois que c'est le tréfonds, vraiment. Moi, je ne vois rien à défendre dans ce film, sinon une espèce de prétention naïve, une volonté de faire de l'expression visuelle, par exemple, tout le fait que les trois premières parties du film sont en dominante jaunâtre, la dernière étant en couleur. Il y a une approche des personnages qui est vraiment extrêmement superficielle, une description médiocre de la médiocrité. Il n'y a pas la moindre distance par rapport à ce qu'il a voulu traiter. Il y a là vraiment une incroyable naïveté qui est totalement désarmante. J'imagine que cette chronique maritale vous plaît moins donc que le nouveau Bergman. Le nouveau Bergman qui sort bientôt, qui s'appelle Scène de la vie conjugale, qui dure 2h50, est une merveille de qualité et d'analyse psychologique. Et je crois que ça devrait inciter un certain nombre de cinéastes français à reviser leur conception de la psychologie. Mais concernant Lelouch, je me demande tout de même, il joue évidemment les persécutés, mais n'a-t-il pas un petit peu raison de penser que la critique française le snob, le méprise systématiquement, voyant en lui le pouli d'or du cinéma? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Lelouch puisse dire ça, parce que quand même, c'est la critique française qui, à mon avis, se trompant, au début, l'a lancé, en a fait un grand cinéaste. Bon, il faut dire que les Américains aussi, qui sont déjà au bar, ont suivi. La preuve, c'est qu'Un homme et une femme étaient un grand succès international. Bon, Lelouch, incontestablement, avait apporté quelque chose. Une manière de filmer qui était inspirée de la manière de filmer à la télévision. Il portait lui-même sa caméra. Tout ça, c'était des éléments publicitaires, bien sûr. Mais enfin, il y avait autre chose. Il y a une prise directe, essayer de prendre la vie sur le fait, l'acteur en action, dans ses moments de spontanéité, etc. Tout ça, c'était l'élément positif. Le problème de Lelouch, c'était que finalement, je me demande s'il était suffisamment artiste. Je me demande si Lelouch est un type, je crois, qui était un gagnant. Dans la vie, il ne pouvait que réussir. Je veux dire qu'il aurait pu se lancer dans le commerce des chaussures, dans le prêt-à-porter, dans l'industrie du disque, partout, je crois qu'il aurait gagné, il aurait réussi de la même manière. Le drame, peut-être, c'est qu'il ait choisi le cinéma pour lequel, bon, il avait des facilités, mais il n'était pas un auteur. Oui, et Jean-Loup Passec, c'est plutôt la pensée de Lelouch qui doit... Vous savez, j'ai un peu peur que, s'il nous écoute, Claude Lelouch puisse penser qu'on fait partie d'une cabale contre lui. Je trouve que c'est une carrière tout à fait pathétique. Pathétique parce que c'est un garçon qui, visiblement, a été peut-être porté au nu par un entourage. En effet, c'est un gagnant. Il veut gagner, et il veut aussi gagner sur le plan artiste. Or, le drame, c'est qu'il n'a strictement rien à dire, et on s'en aperçoit depuis quelques années, mais on s'en aperçoit encore beaucoup plus dans ces deux derniers films, dont Toute une vie était une sorte de pudding cosmique complètement indigeste, et dont Mariage est une arête de poisson. Claude Chabrol lui aussi produit beaucoup, son évolution n'est tout de même pas comparable. Avez-vous vu Une partie de plaisir, le nouveau Chabrol, mais qui est aussi un peu un film de Jegoff, Marcel Martin? Oui, moi je dirais que c'est un film de Paul Jegoff, mis en scène par Claude Chabrol, parce qu'effectivement, c'est une histoire très personnelle de Jegoff, jouée par lui-même et par sa femme Danielle. Et il faut voir le film comme ça, je pense qu'il faut oublier Chabrol. Et moi, je veux dire, je suis sorti assez révulsé de ce film parce que c'est un film d'une violence et d'une atrocité totalement noire. Alors à ce moment-là, évidemment, on est quand même un peu dans la perspective habituelle de Chabrol. Mais il y a dans surtout le fait que, à mon avis, Paul Chekhov est un très mauvais acteur, j'en suis désolé. Même s'il joue son propre personnage, il a une diction comédie française qui est un peu déplacée au cinéma. Mais je veux dire, plus je pense à ce film, plus je l'aime après coup, parce que l'histoire est tellement violente, tellement atroce, et finalement tellement belle. C'est une histoire d'amour si pathétique, si dramatique. Est-elle vraie? A-t-elle un accent de vérité? Elle a un accent de vérité, indiscutablement. Il y a une montée de la violence dans ce couple, qui s'adore, de toute évidence, mais il y a une sorte de malentendu, une espèce de fatalité du malentendu conjugal qui aboutit à un meurtre. Ça n'est pas du grand guignol, ça n'est pas du naturalisme, c'est quelque chose d'autre. Il y a vraiment une dimension dans ce film qui est assez étonnante. Alors si on s'attend, si on est préparé à voir une espèce de monstruosité, un film monstrueux, je crois qu'on peut l'aimer. Des leaders de la nouvelle vague d'il y a une bonne quinzaine d'années, qui est resté fidèle, à votre avis, à un esprit de nouveauté, de recherche? Et qui s'est intégré? C'est difficile à dire. À mon avis, Rivette et Godard, pour autant qu'on puisse en juger. Mais Godard ne fait plus rien. Godard ne fait plus rien. Godard est parti tourner au Mexique, c'est une toute récente nouvelle. Romère, je ne crois pas qu'il soit resté... Non, c'est certainement Rivette et Godard qui sont restés. Non, je pense que Romère est resté fidèle à sa voix. Je ne dis pas qu'il ait progressé, mais il est resté fidèle à ce qu'il était au départ. C'est vrai. Mais comme Truffaut, je veux dire, il y a un certain nombre, Truffaut et Chabrol sont parfaitement intégrés au système, mais Truffaut reste fidèle à lui-même, je ne pense pas qu'il ait trahi. Jean-Loup Passek, dans cette génération, disons, des 40-50 ans, de la Nouvelle Vague ou contemporain de la Nouvelle Vague, qui, à votre avis, mérite encore d'être suivi? Je dirais, comme tout le monde, Jean-Luc Godard, parce qu'il ne tourne plus. Pour réussir, c'est-à-dire pour être connu du public, j'entends par public le vaste public, mais aussi le public des cinéphiles forcenés, il faut avoir une légende. Alors, on peut avoir une légende de deux façons, ou bien en faisant parler de soi énormément, et il y a certains génies, certaines fois, pour faire parler de soi, et je crois que c'est le cas de Lelouch, et de certains personnages de la Nouvelle Vague, enfin de Chabrol également, ou bien on peut faire parler de soi par une autre méthode, qui est au contraire essayer de briguer le prix Citron. Alors je crois que c'est le cas de Philippe Garrel et le cas de Jean Eustache. Il commence à être légèrement connu dans la voie qu'avait suivi auparavant Bresson. Et c'est un petit peu inquiétant. Ça n'enlève rien à leur talent de cinéaste, bien sûr. Mais en fait, c'est un petit peu inquiétant car ceux qui n'ont pas ce talent-là, c'est-à-dire qui ne jouent ni le premier jeu ni le deuxième jeu, restent un petit peu en rade. Je crois qu'on verra tout à l'heure, on parlera des films de Doyon et de Duval. Mais je crois qu'actuellement, on peut donc peut-être parler des films d'Eustache et de Garrel. Oui, qui représentent une génération intermédiaire entre la Nouvelle Vague et les plus récents débutants. Guy Tesser, que pensez-vous du film d'Eustache et du film de Garrel? D'abord que Eustache est arrivé un peu tard, mais c'est quand même, on peut le considérer comme quelqu'un de la Nouvelle Vague. Pour juger son œuvre, on ne peut pas le faire sur le plan chronologique, parce qu'il est évident que Mes petites amoureuses ont été écrites avant La maman et la putain, que ce sont deux films économiquement très différents, réalisés dans des normes commerciales très différentes. Le premier est fait au jour le jour avec des moyens dérisoires. Le second est un film quand même ayant eu un financement normal, avec bénéficiant d'un opérateur fantastique qui est Nestor Almendros, une photographie sublime. Je crois que c'est une des plus belles photographies du cinéma français de l'année. Ceci posé, Eustache me semble rester toujours cet être pur, je pense à l'artiste, que j'avais toujours vu en lui, je veux dire un homme qui refuse toujours toutes les facilités. Il y avait deux manières d'envisager le problème de l'adolescence. C'est la gaudriole, C'est le système Pascal Thomas. L'adolescence joyeuse, un peu vulgaire. Et puis, au contraire, la phase douloureuse de l'adolescence. Est-ce qu'elle a choisi Eustache? Sans doute parce que c'est un personnage douloureux, qui est tout le temps torturé. Et je trouve qu'il a fait un film pathétique. Mais pathétique, pas dans le sens mélodramatique, parce que même Truffaut, dans Les 400 coups, n'évite pas toujours l'élément mélodramatique. Tandis que Eustache le refuse systématiquement, alors en utilisant la voix bressonienne, cette mise en scène un peu erratique, c'est le texte dit et non plus joué par les acteurs, etc., la manière de Bresson. Bon, on lui a reproché beaucoup la lenteur, mais ça vient peut-être justement du procédé. C'est un film très très élaboré. Il était très conscient des possibilités qu'il avait précisément de tomber dans le mélo. Il a refusé ça. Oui, Jean-Loup Passec. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Guy Tesser. Je trouve qu'enfin on va parler de films et de cinéastes. Il est évident que Eustache est un cinéaste. Ce qui me gêne un tout petit peu dans les petites amoureuses, c'est en effet c'est le côté bressonien, non pas de la mise en scène parce que je trouve que c'est tout à fait accordé au sujet, mais plutôt le dialogue dans la mesure où tous les acteurs ne sont pas accordés au même violon. Certains jouent en effet ultra bressonien, d'autres beaucoup moins. Alors on se demande dans le fond, est-ce que c'est de la faute de Eustache, enfin est-ce qu'il n'a pas réussi à rendre homogène toute sa distribution, ou bien a-t-il voulu, est-ce que c'était volontaire? Ça, je ne sais pas. Le résultat est tout à fait passionnant, et évidemment, on se rend compte que le public attend le mélodrame, attend le pathétique. Or, il ne vient jamais, étant donné que ce sont des flashs sur l'adolescence, des flashs en effet très très douloureux, tout se termine avec un petit pincement au cœur, mais sans que ça soit appuyé. Enfin, on ne sent absolument pas là-dedans le besoin, qui est épouvantable à mon avis chez Pascal Thomas, de faire rire les gens en disant « Ah oui, c'était ça l'adolescence, en effet, c'était vraiment la gaudriole. » Oui, Martin, vous avez vu le film de Philippe Garrel, « Les hautes solitudes ». Où en est-il Garrel dans sa haute solitude? Mais justement, Garrel est un peu le type de l'artiste maudit, quand même, dans la mesure où c'est encore valable aujourd'hui. C'est son 7e long métrage. Sur les 7, il y en a 2 qui sont sortis commercialement d'une manière très modeste jusqu'à maintenant. Anémone, qui était le premier, et La cicatrice intérieure. Et il est encore assez peu connu du public, et je ne crois pas que ce soit Les hautes solitudes qui vont le faire connaître du grand public, parce que c'est un film qui présente la particularité difficile pour le public d'être totalement muet. C'est un film muet. Il n'y a pas de bande sonore, il n'y a pas de texte et pas de musique. Et c'est une expérience que Garrel avait déjà tentée précédemment avec La concentration. Et je veux dire que le résultat est assez fascinant. Si on a le courage, c'est assez court d'ailleurs, si on a le courage de tenir, c'est assez fascinant parce qu'il y a une espèce de magie du cinéma muet qui s'installe, même si le cinéma muet n'a jamais été véritablement totalement dénué de partitions sonores. Mais il y a une espèce de magie, c'est un espèce de portrait de l'actrice Jean Seberg, qui est presque méconnaissable, je veux dire, on la voit au naturel, en noir et blanc. C'est tout à fait surprenant. Et ce sont des instants de vie, des instants de joie, de bonheur, des instants de désespoir. On devine à un moment donné une tentative de suicide. Tout cela se passe dans une espèce de pénombre psychologique, quoi que ce soit, une photographie très belle, même si elle est en noir et blanc. Et il y a vraiment une magie qui s'installe. Et c'est une œuvre extrêmement personnelle. Moi, je préfère de beaucoup ce genre de tentative de recherche à un certain cinéma commercial. Et alors je défendrai aussi, tout à fait d'accord avec mes confrères, le film de Eustache, que je trouve très beau, et qui est effectivement étonnamment bressonien, mais je ne crois pas que ce soit une rupture avec la continuité de Eustache, qui cherche, qui écrit. Le film est remarquablement écrit, remarquablement pensé. C'est une sorte d'éducation sentimentale de l'adolescence, et c'est, je crois, très beau et très attachant. Ça, c'est encore une tradition du cinéma français qui ne s'est pas perdue, c'est l'influence de la littérature. Si l'on regroupe un certain nombre de films là tout à fait récents, comme Le Voyage d'Amélie et Les Doigts dans la tête, parmi d'autres, est-ce que vous avez l'impression de recherches parallèles, divergentes, ou est-ce que certains traits caractéristiques apparaissent déjà dans ces films de jeunes tournés récemment? Je dirais qu'il y a peut-être un trait commun, c'est le petit budget et le tournage en 16 mm surtout. Quitte à gonfler par la suite en 35, ce qui donne peut-être une approche différente, plus réaliste. et même au niveau de l'image. Enfin, il y a un grain de la pellicule qui donne une espèce d'authenticité. Je crois qu'on pourrait ajouter à ces deux films un troisième qui est sur le point de sortir, c'est Une coupe à 10 francs de Philippe Condroyer. Bien sûr. Qui se place un peu dans la même perspective. Alors, il y a là la réapparition de ce qu'on a déjà appelé une sorte de néo-populisme, c'est-à-dire une description de personnages un peu marginaux, ou de personnages populaires, sans le moindre misérabilisme, sans le moindre naturalisme, c'est ça qui est important. C'est une vision très, très directe, très simple, dans Amélie, dans Le voyage d'Amélie, des loulous de banlieue qui essaient de, qui montent un coup et dans lequel ils sont floués eux-mêmes par une vieille dame. Le public pensera aux valseuses. Oui, bah, évidemment, la comparaison est écrasante, encore que personnellement, j'ai pas détesté les valseuses. Quant au ton du film, l'idéologie, ça serait plus discutable, mais le ton du film me paraissait intéressant. Donc aux antipodes des valseuses. Oui, indiscutablement. Et quant au doigt dans la tête, alors c'est un très grand film qui serait peut-être justement dont le père spirituel serait la maman et la putain, puisqu'au fond il y a un peu la même conception générale de l'œuvre. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères, mais à mon avis c'est un très grand film. Quand un gars faisait un film avec 4 sous, c'était hélas souvent un film qui ne valait pas 4 sous à tous les degrés. Or là, on s'aperçoit que c'est un film fait avec 3 fois rien comme moyen, mais donc, alors... Que d'idées, je dis, il y a des idées de mise en scène qui sont merveilleuses. Pas besoin de millions pour avoir des idées. Et Doyon nous le prouve. Et je trouve que c'est un. Enfin, on pourrait parler des heures sur ce film. Il nous parle aussi que la vie. Conseille aux gens d'aller le voir, ceux qui l'ont pas vu, de courir le voir et de découvrir toutes ses richesses. Je crois ce qui est très important dans ces deux films-là, c'est que depuis longtemps, quand même, on n'avait pas vu ça. Ce que disait Tessier tout à l'heure est très juste. Beaucoup de jeunes cinéastes français qui avaient fait des films de 3 sous criaient à la persécution parce qu'on ne montrait pas ces films dans les salles. Il se trouvait que malheureusement, ces films-là ne valaient pas tripette. Là, tout d'un coup, on se trouve devant une exception, deux exceptions même, je trouve tout à fait étonnantes. Et l'important maintenant, c'est le problème de distribution. Car vraiment, les auditeurs de province qui nous écoutent vont dire encore une fois, mais moi, à mon Kursaal du coin, on va me montrer, en effet, certainement le Louche, certainement le Chabrol, mais est-ce que je vais voir le Doyon et est-ce que je vais voir le Duval? Peut-être non. Et ça, c'est tout à fait, c'est très grave. Je ne veux pas entamer un débat sur la distribution, mais enfin, c'est très grave parce que ce sont vraiment des films très importants qui sont en même temps des films très publics. Pour ma part, moi, je trouve que ce sont deux cinéastes qui ont un regard et qui n'ont pas seulement des recettes. Car le cinéma français, depuis 5, 6, 7, 8 ans, mourait de gens qui étaient des techniciens avec recettes. Aujourd'hui, Ciné Magazine vous proposait un hommage à Pierre Fresnay avec des extraits de ses œuvres, des informations et une revue des films français récents. Mixage Guy Testa, assistant de réalisation Alain Pollet. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 janvier 1975. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you. Thank you.